Merci, chers auditeurs, de rester fidèles et bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici l'essentiel. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, sollicite les efforts de la communauté internationale pour appuyer les initiatives régionales pour la pacification de la République démocratique du Congo. Et le gouvernement burundais annonce l'introduction des cartes d'identité biométrique d'ici le mois de décembre dans 11 communes pilotes. Et la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, n'est pas une instance judiciaire, mais plutôt une instance d'assistance en matière de droits de l'homme. Voilà pour les titres et bienvenue pour les détails. Je vous le disais tantôt, le chef de l'État burundais convie la communauté internationale pour appuyer le processus de Nairobi pour la stabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Lors de la 77e réunion de l'Assemblée générale des Nations unies au cours de cette semaine, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a indiqué que la paix tient au cœur des États membres de l'EAC. On l'écoute. La paix est un sujet qui nous tient à cœur. Son absence pèse lourdement sur la vie de nos peuples. C'est dans ce souci que le Burundi ne cesse de se battre bec et ongles pour contribuer au retour de la paix dans le pays où elle est troublée, dans le cadre des Nations Unies ou dans celle de l'Union africaine ou de la région. En témoigne notre intervention en Somalie et en Centrafrique. Dans le même souci, le Burundi s'est engagé à contribuer au retour de la paix à la République démocratique du Congo dans le cadre de l'initiative de la communauté est-africaine. Je profite de cette occasion pour demander à la communauté internationale d'appuyer le processus de Nairobi pour secourir le peuple congolais en détresse. Toujours dans le cadre de la paix et la sécurité, la participation à cette session me suggère de solliciter très humblement l'implication des Nations Unies pour traquer les groupes terroristes qui commencent à s'infiltrer dans notre sous-région, sans oublier ceux qui sévissent déjà dans d'autres coins du monde. La communauté de l'Afrique de l'Est, dont le Burundi assure la présidence, vient d'accueillir un nouveau membre, la République démocratique du Congo. Et avec les autres chefs d'État des pays membres, nous nous sommes donnés comme objectif de stabiliser toute la communauté pour permettre aux populations de nos pays de se concentrer enfin au projet de développement socio-économique. C'était le chef de l'État, Evariste Ndayishimiye. Gouvernance à présent, le gouvernement burundais se prépare à introduire les cartes d'identité biométrique d'ici au mois de décembre de l'année en cours. Le ministre de l'Intérieur, Martin Iteretse, précise que ce projet sera initié dans 11 communes pilotes. Il l'a dit ce vendredi à l'Assemblée nationale où il avait été invité pour répondre aux questions relatives au rapport d'audit sur les performances de certaines communes dans la collecte des recettes. Nous sommes à l'œuvre pour initier la digitalisation des services d'état civil. Vous savez, quand on ne maîtrise pas sa population, il est même difficile de faire des planifications pour des gens qu'on ne peut pas identifier. Nous comptons donc lancer les cartes d'identité biométriques et non biodégradables. À l'heure actuelle, nous avons fait une commande des machines imprimantes et nous avons déjà identifié 11 communes pilotes qui feront objet d'essai pour ce projet. J'espère que d'ici la fin de l'année, les premières cartes d'identité seront disponibles. Ainsi, nous aurons un fichier fiable d'identification de la population parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se marient deux ou trois fois après avoir changé de carte d'identité ou leur nom. Certains peuvent même quitter d'une province à une autre et faire des mariages parce que la traçabilité actuellement n'existait pas. Le ministre Niteretse était traduit en français par Aubin Nyonguru. Justice à présent, 3 ans de prison ferme, une amende de 100 000 francs bou. Telle est la peine prononcée par le tribunal de grande instance de Rumonge contre une secrétaire à la direction provinciale de l'éducation à Rumonge lors d'un procès de flagrance l'après-midi de ce vendredi. Evelyne Ndaizeye s'est rendue coupable d'escroquerie et d'outrage à la personne de l'autorité publique dans un dossier de recherche d'une mutation et doit rembourser tout l'argent qu'elle avait déjà collecté. Jean-Pierre Misago, correspondance. Dans ce procès de flagrance, le parquet de Rumonge a accusé Evelyne Ndaizeye, secrétaire à la direction provinciale de l'éducation de Rumonge, d'user de la malignité pour escroquer de l'argent à une enseignante prestant dans la commune scolaire de Buyengero, lui promettant de l'aider à avoir une mutation de Buyengero vers la ville de Rumonge. La dite enseignante, saisie par le parquet de Rumonge comme témoin à charge contre Evelyne, a déclaré qu'elle avait déjà donné à Evelyne une somme de 535 000 francs burundais répartis en plusieurs lots, dont l'argent a donné au secrétaire communal de Buyengero et provincial de Rumonge du parti CNDD-FDD au pouvoir au Burundi et une autre partie pour acheter 5 sacs de ciment Buseko afin de contribuer dans la construction du bureau provincial de Rumonge. Tout cela afin de rendre facile l'obtention de cette mutation. Ndaïve Evelyne a opposé un rejet catégorique à toutes ces accusations portées contre elle. Pour elle, en effet, cette enseignante lui a accordé un prêt de 300 000 francs burundais pour subvenir à ses besoins familiaux, un prêt qui n'a rien à voir avec la lettre de demande de mutation qu'Evelyne avait déposée à sa place dans d'autres dossiers. Pour cela, Evelyne disait ne pas comprendre pourquoi cette enseignante réclame 535 000 francs burundais au lieu des 300 000 francs burundais. Un écrit d'engagement de payer à cette enseignante une somme de 535 000 francs burundais signé par Evelyne devant un officier de police judiciaire brandi par cette enseignante et les messages téléphoniques sur l'avancement du dossier de cette demande de mutation et mentionnant des noms de certaines autorités administratives et politiques possédées par le parquet de Rumonge ont été apportés comme preuve supplémentaire à charge d'Evelyne et le parquet a requis 5 ans de prison ferme et versement de 500 000 francs burundais d'indemnité à cette enseignante. Après délibération, le tribunal de grande instance de Rumonge a prononcé contre Evelyne Ndaïzeye, 3 ans de prison ferme, une amende de 200 000 francs burundais et le paiement de 635 000 francs burundais à cette enseignante après avoir versé au trésor public 4% de cette somme en vertu des articles 393 et 115 du Code pénal burundais. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Droits de l'homme à présent, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, ne joue pas le rôle d'instance judiciaire comme certains qui saisissent cette institution le pensent. C'est du moins la réaction de Jacques Nshimirimana, un des commissaires de cette institution. C'était ce vendredi au terme d'un atelier de 2 jours que la CNIDH a organisé à l'endroit des parties prenantes dans la gestion des conflits fonciers. Jacques Nshimirimana expliquait que la CNIDH ne fait qu'assister. C'est ceux à qui les droits ont été bafoués pendant leur procès. On l'écoute, ces propos ont été évoqués par Évariste Ndikobanyang. Nous lançons un appel à la population burundaise à soutenir massivement les activités, toutes les actions qui sont menées par la CNDH, tout en les rappelant que la CNDH, c'est une commission nationale. Ce n'est pas une association sans but lucratif, ce n'est pas un club, ce n'est pas une entreprise privée, c'est une commission nationale, c'est une commission des Burundais qui est là pour répondre aux préoccupations des Burundais en matière de respect des droits de l'homme. Donc, c'est une commission pour nous tous. Et dans ce cas-là, chaque Burundais doit se sentir dedans, notamment en nous aidant à vulgariser les compétences, les missions, mandats de la CNDH dans sa communauté, parce qu'il y en a beaucoup de Burundais qui jusqu'à présent ne sont pas imprégnés des forces, des pouvoirs qu'incarne la CNDH en matière de respect des droits de l'homme. Il y en a même d'autres qui confondent la CNDH aux instances judiciaires. Il y en a d'autres qui ignorent complètement l'existence de la CNDH. Nous faisons tout notre mieux pour répondre à toutes les préoccupations des Burundais. C'est vrai, c'est un travail très complexe, un travail difficile, mais un travail possible si nous conjuguons nos efforts. Culture à présent, faire une représentation de la fille burundaise dans les affaires, telle est l'une des ambitions de la participation de Kelinga Ruko, Miss Burundi 2022, dans le Forum africain des femmes dans l'innovation et l'entrepreneuriat qui se tiendra au Caire en Égypte la semaine prochaine. Elle a dit dans une conférence de presse animée ce samedi, Kelinga Ruko se réjouit que depuis son couronnement, elle a travaillé avec 90 jeunes femmes de différentes provinces. On l'écoute au micro de Raïssa Liliane Inamahor. C'est une occasion incontournable de représenter non seulement la femme dans les affaires ici au Burundi, mais également le projet et les résultats que nous avons pu obtenir au travers du projet Burundi dans les affaires, qui pour ceux qui le savent est un projet qui vise à équiper et à former la jeune femme dans le commerce principalement et dans les affaires en général. Alors c'est donc un honneur de représenter la jeune femme burundaise en particulier sur une plateforme internationale et de pouvoir compter au monde entier les efforts et les résultats que nous avons pu atteindre jusqu'au jour d'aujourd'hui dans la jeunesse burundaise. Le projet Burundi dans les affaires est un projet qui vise à équiper et former les jeunes femmes burundaises, mais aussi leur offrir les moyens de commencer ou d'agrandir leur business. Alors nous avons déjà atteint plus de 90 jeunes femmes situées pour une partie dans la province de Kirundo, pour l'autre dans la province de Bujumbura. Et nous espérons que dans les jours qui suivent, nous pourrons aussi travailler avec les jeunes femmes de la province de Gitega. Le même projet du Burundi dans les affaires va vraiment former et offrir les moyens à ces jeunes femmes de soit commencer leur business ou alors l'agrandir, c'est-à-dire augmenter leur capital. J'ai l'occasion de présenter un discours qui va expliquer en long et en large le travail que nous avons déjà fait avec les jeunes femmes, mais qui va aussi attirer l'attention sur, on va dire, les avantages, mais aussi les lacunes que nous avons encore au niveau de nos formations, mais aussi au niveau de l'impact que nous avons dans ces communautés de jeunes femmes. Actualité internationale. Hors de nos frontières, Théodore Obiang Nguema, 80 ans, qui dirige la Guinée équatoriale d'une main de fer depuis 43 ans et dont la candidature demeurait incertaine, briguera un nouveau mandat lors de l'élection présidentielle en novembre, a indiqué vendredi le vice-président Sir Tuteur Liton sur Africa News. En poste depuis 1979, le président équato-guinéen détient le record mondial de longévité au pouvoir des chefs d'État encore vivants hors monarchie. Le seul enjeu de l'élection résidait dans la désignation du candidat du Parti démocrate guinéen-équatorial qui occupe 99 des 100 sièges de la Chambre basse sortante et la totalité des 70 sièges au Sénat. Et en Centrafrique, revers juridique pour le président Faustin Archange Touadéra, la Cour constitutionnelle a annulé vendredi des décrets créant un comité chargé de rédiger une nouvelle constitution sur une saisine de l'opposition qui redoutait qu'une nouvelle loi fondamentale autorise le chef de l'État à briguer un troisième mandat. Les décrets sont inconstitutionnels et invalides, indique la décision rendue par la juridiction suprême en Centrafrique, deuxième pays le plus pauvre au monde en proie en guerre à une guerre civile depuis près de 9 ans. La révision de la Constitution ne peut être opérée qu'après la mise en place du Sénat qui n'est pas institué dans le pays, souligne la décision toujours écrite Africa News. Et le président américain Joe Biden a assuré vendredi que les États-Unis et leurs alliés allaient infliger de nouvelles sanctions économiques rapides et sévères à la Russie si celle-ci annexait des territoires en Ukraine dans le cadre de référendums qui se poursuivent ce samedi selon France 24. Et voilà, chers auditeurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous tous d'avoir suivi. Merci à Eric Ouimana pour la mise en onde. Dans quelques instants, c'est la revue de la presse. Gardez l'écoute. Le programme continue sur Isanganiro. Au revoir. De la presse. Bonjour, bonsoir, cela dépend de votre zone d'écoute. Imbroglio chez les enseignants du cours de formation patriotique et humaine, titre La Voix de l'enseignant. Ce journal fait allusion à la déclaration du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, qui indique qu'après prestation de serment des élus collinaires, les prestations de l'institution de Washinganahe investies seront supprimées. Or, fait remarquer son confrère, les thèmes abordés dans le cours de formation patriotique et humaine sont notamment la pratique de l'institution de Washinganahe, les qualités requises pour être investi Mushinganahe, les étapes nécessaires pour être investi Mushinganahe, les principaux acteurs dans les cérémonies d'investiture, les valeurs humaines qui fondent le rituel d'investiture d'un Mushinganahe, l'engagement de Mushinganahe, le genre et l'institution de Washinganahe, procédure des sanctions dans cette institution, notamment la réparation des dommages et l'exclusion, etc. Cependant, plusieurs voix s'élèvent pour décrier cette suppression politique d'une institution millénaire. Des personnes proposent par contre au gouvernement de moderniser l'institution au lieu de la supprimer, souligne cet hebdomadaire de l'éducation. Entre-temps, les enseignants attendent un mot d'ordre pour continuer à enseigner les pratiques de Mushinganahe, note La Voix de l'enseignant, qui s'interroge s'il faut envisager le changement des programmes. Un coup de pouce au transport lacustre, s'interroge Burundi Echo dans son éditorial cette semaine. En tout cas, écrit ce journal, le grand bateau MV Amani, parmi ceux naviguant sur le lac Tanganyika, d'une capacité de 2000 tonnes, qui se trouve sur l'autre rive du lac Tanganyika en République démocratique du Congo, avec siège au port de Kalemie, est attendu sur le port de Bujumbura dans 3 mois. Cela est confirmé par la direction commerciale de Global Port Services, qui prépare l'accostage du dit bateau. En effet, explique ce confrère, il faudra d'abord dégager les dépôts de débris, les déchets qui se sont accumulés au niveau du bassin portuaire. Le déversoir des eaux de pluie en provenance de Buyenzi charrie les alluvions vers le port pendant une décennie, ce qui ne permet pas l'accostage des paquebots au risque d'endommager la coque. Cet hebdomadaire socio-économique indique que les transporteurs internationaux du Burundi saluent cette nouvelle car le bateau transportera à la fois les personnes et les marchandises. Revue de la presse. Les administratifs provinciaux à Bubanza se réjouissent de l'implication de tous dans la lutte contre la fraude, écrit l'agence burundaise de presse. Lors d'un atelier de formation, d'éducation et de sensibilisation au civisme fiscal et sur la lutte contre la fraude organisé par l'Office burundais des recettes, le mardi 20 septembre 2022 au chef-lieu de la province Bubanza, notre confrère a appris d'une source policière que durant la période du mois de juin à août cette année, la police a saisi pas mal d'articles faisant objet de fraude. 523 pagnes, 307 kg d'engrais chimiques, 300 kg de sucre, 50 paquets de sachets, plus de 160 litres d'essence et une dizaine de litres de mazout. Ce quotidien ajoute que la police a fait entrer à l'EBR une somme de 91 620 000 francs burundais d'amende et une somme de 5 191 000 francs burundais d'amende administrative recouvrée. L'ABP note enfin que l'atelier était organisé à l'endroit des forces de l'ordre et de sécurité, des administratifs, des représentants des commerçants et des instances judiciaires. Dans cette même rubrique, Net Press rapporte la découverte d'une cache de produits Braroudi à Muyinga. En effet, précise son confrère, lors d'une fouille perquisition opérée dans la matinée de mercredi 21 septembre, la police de la province de Muyinga au nord-est du pays a découvert 427 casiers de produits Braroudi constitués de limonade, de bière Primus, Amstel et Royal et qui étaient destinés à la vente sous facette de spéculation. Selon les sources de cette agence en ligne, il subsistait des grognes des consommateurs des produits Braroudi car les prix de ces produits étaient en hausse. Des dénonciations fusaient d'un peu partout dans les buvettes de Muyinga et étaient centrées sur une cache de produits chez un commerçant. Le commerçant présumé coupable est entre les mains de la police qui a ouvert une enquête, note toujours ce quotidien en ligne. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Odanda Ishimiye et Jean-Bosco Ndouimana. À la prochaine. Revue de la presse.